colline. Des plaintes et des cris répétés. Rachel pleure ses enfants, des foules sont venues crier leur liberté. Je ne suis pas venu à Pauline. Chemin tracé par des anciens qui n'ont pas encore de passé. Écoutez les gens parler de Teresa. Vous n'avez pas encore aperçu ceux qui bientôt vont arriver. Ils ont gravi la montagne, traversé tout le désert. Ils sont venus à nous pour nous dire comment. Come on.